Parce que tu avais commencé à l'école à Briec. Oui, c'est ça. Ben, en pension, En pension. il fallait venir en pension. Hein. Ouais. J'avais 8 ans. Et donc là, tu as fait jusqu'à. À Briec, je suis jusqu'à 14 ans. Je fais 3 ans après à Quimper, Sainte-Anne. Ouais. Et pendant une année, tu as été gardée à la Ah, maison? papa, tout à fait une année, un Ouais. mois, un bon mois. Ouais. Ben oui, ma mère était malade. Enfin, ma mère n'était pas à la maison, donc c'est moi l'aînée, j'avais 8 ans. Ouais, à l'époque c'était comme ça, il n'y avait Ah pas toutes oui, les aides ben, sociales ouais, ben non, aujourd'hui. bien sûr, non, non, non. Mais après, tu as terminé à Quimper, au bout de 3 ans, tu as terminé à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, oui, brevet. Avec le brevet. Ben, je Moi ne l'ai pas eu parce qu'il me manquait 3/4 de points. Ah ouais, Non, un peu c'est. Hein, ingérable là. et il y avait eu qu'une. Ça avait été très dur cette année. Il n'y avait eu Ah qu'une ouais. reçue de la Ah classe sur bon? 22. Oh. Moi, j'étais la deuxième. Et il me manquait 3/4 de Ah points. ouais. C'était Ouais, si mais dur que déjà, ça? le Ouais. niveau brevet à l'époque, c'était déjà Oui, pas mal, je quoi. pense, celui-là, Hein? oui, c'est Ouais. là. Cette année-là, ça avait été dur, quoi. Je sais pas Ouais. pourquoi. Ça avait été assez dur, puisque je vous dis, je m'appelle la fille, c'était Rolande Fouchat, elle était de Quimper. Et c'est la seule, et moi j'étais la deuxième. Il me manquait 3/4 de points. Donc, bon. Et ils ne rattrapaient pas. Il n'y avait pas question de rattrapage. Ben, c'est-à-dire, si j'avais. C'était bon, 120, 119, je crois qu'on était rattrapés. J'avais 118, 3/4. Oh là là, ouais, Non. là c'était Ben oui, vraiment mal, hein. c'était comme ça. Je ne l'ai pas eu. Et après, tu es venu à la maison. Et Travail. là, à Côte-d'Azur. Oui. Moi, j'aurais préféré aller à Quimper. Enfin, en ville, quoi. Mais bon, Ah je sais oui? pas. Bah Et tu oui. voulais faire quoi? Oh, ben, plutôt infirmière ou quelque chose comme ça. Mais Ah. bon, à l'époque, on gardait tout le monde, hein, Ouais. enfin, presque tout Ouais. le monde, hein, à la Puis, campagne. on laissait pas les gens choisir. Non, on ne laissait pas choisir. Et puis, en plus, dans les fermes, il y avait besoin de beaucoup de mains aussi, hein. Il fallait faire tout à la main, hein. Donc, moi, je me rappelle, hein, Oui, à quoi de tout. glace quand tu as... Oui. Même chez les autres, hein, nous, puisque Oui. nous autres, on n'était pas en terre, si on veut, mais tous les ramassages de petits pois, de je ne sais pas de quoi, là, Oui. tout ça se faisait à la main. Hein.